Barré, ça brasse pas mal dans le monde de la boxe. Il y a eu une lettre, un groupe de 121 athlètes également, des athlètes, des entraîneurs et différents clubs qui ont dénoncé le climat toxique, ce qui se passe à Boxe Canada, et on demande immédiatement la tête à Daniel Trépanier. On en parle avec Bernard Barré. Salut Bernard. Salut l'ami. Bernard, effectivement, j'écoutais ce matin au 91.9 les Labaudouins. Il y a eu Stéphane Larouche également qui a eu des propos quand même très durs envers la Boxe Canada. Ce matin, il disait que ça fait 10 ans que ça marche de même, puis finalement, il n'y a aucun résultat. Ça serait peut-être temps de changer, et ainsi de suite. Puis les Labaudouins qui étaient là également aussi. Les Labaudouins qui a semblé dire qu'il y avait du favoritisme auprès de Boxe Canada. Comment tu trouves ça, tout ce qui se passe? Ben, c'est sûr qu'il se passe de quoi qui est pas correct, là, quand on a des gens comme Stéphane Larouche, qui est quand même une sommité dans la boxe, et bon, les Labaudouins qui, bon, là, il y en a d'autres, il y en a 100 quand même, on dépasse la centaine. Moi, c'est sûr que je ne suis plus là-dedans dans la boxe olympique depuis plusieurs années, mais je suis ça. Je suis là quand il y a les championnats canadiens, j'essaie de manquer le moins de choses possible, j'essaie même de les aider. Régulièrement, là, quand ils ont besoin d'aide là, pour faire du marketing de leur championnat. Donc, je m'implique. Et là, ce que j'ai cru comprendre, c'est que les règles ne sont pas claires. Il n'y a rien de pire quand les règles ne sont pas claires. À ce moment-là, il y a plein d'interprétations, du mécontentement. C'est pour ça que j'ai comme l'impression. Daniel Trépanier, qui est là depuis déjà plus d'une dizaine d'années, là, maintenant, qui a fait sa place et qui est bien installé, mais là, je comprends pas que lui s'est pas assuré de mettre les règles claires. Et là, il y a beaucoup d'arbitraire, dans le sens que lui et son groupe décident des choses qui vont, bien entendu, être contestées à tort ou à raison. Mais comme j'ai dit, moi, la problématique, là, c'est les règles. Et actuellement, à ce que j'ai cru comprendre, les règles sont pas claires et là, il arrive des situations comme là où il y a beaucoup d'insatisfaction et il y a comme un genre de révolte. Ah, effectivement, mais écoute, mais Stéphane Larouche a raison. Ça fait des années, il me semble, qu'on performe pas au Canada à boxe. Je me rappelle des années de Sean O'Sullivan, de Willie DeWitt. Depuis ce temps-là. Donc, il y a peut-être un ménage à faire, effectivement, là. Écoute, la dernière médaille, c'était en 96, Ouf! on OK. a gagné une médaille chez les polos, donc déjà aux Jeux olympiques des Fiabong, qui avait perdu contre le Cubain en finale. Mais tu sais, quand on regarde ça, bien entendu, on s'est retrouvé là dans un gouffre, là, dans un vide là, au niveau des résultats. Et c'est certain que pour Trépanier, qui a beaucoup de pression, il est là depuis une dizaine d'années. Si les résultats n'arrivent pas au bout de ça, c'est tout le monde qui en souffre. Parce que les résultats vont amener le financement, ben, va amener la motivation aussi d'un peu tout le monde, des clubs, etc. Et la motivation aussi des athlètes, parce que quand il y a des médailles olympiques, ben là, à ce moment-là, les gens se voient à leur place, se voient, on a une possibilité de se rendre là, nous aussi. Alors que là, ben, l'espoir est rendu loin, là, 96, là, tu sais, ça fait 26 ans de ça, là. Donc, sincèrement, je ne suis pas surpris parce que j'avais eu des propos d'un peu à gauche et à droite de gens mécontents. Donc, c'était juste une question de temps. Là, ça va être à savoir comment Boxe Canada va être capable de Ouais, c'est ça, gérer la ça, suite, ça va être mais quoi? La suite, t'as c'est 421 ça. personnes, puis les athlètes, puis les Labaudouins, c'est pas une dernière deux de pique, là. T'as Stéphane Larouche également. C'est pas n'importe qui, là, C'est qui. ça. Hein? Je pense qu'ils sont dus, eux autres, pour faire un grand meeting, là, un grand meeting à l'interne et avec tous leurs membres là, pour essayer de se donner des bases, comme j'ai dit. Écoute, c'est simple, là, c'est mets les règles claires. Claire, t'es mieux là d'avoir des règles claires, quitte à un moment donné, ils sont contestés, tu te ramasses en cours. T'es mieux encore avec ça. Où là, il y a des gens de loi à un moment donné qui vont dire, ben garde, suite à ce que vous avez mis comme règle, voici notre décision. que là où là, là, tout le monde semble dans la brume, là, il n'y a rien de clair. Fait que moi, là, le seul problème que je vois, c'est ça. C'est exactement ça. Puis le fait aussi qu'il n'y a pas eu, tu sais, depuis 2 ans avec la pandémie, tout ça. Tu sais, avant, on était régulier, là. Il y avait un championnat canadien. Et ouais. Après le championnat canadien, il y avait des qualifications pour l'équipe nationale. Tu sais, ça, à partir de là, ça roulait. Mais là, la pandémie ne les a pas aidés non plus, là, dans le sens que là, ça tournait en rond pas mal, là, tu sais. Et puis, là, ils ont l'air d'avoir de la difficulté à repartir ça solide. Mais moi, je souhaite, en tout cas, beaucoup de courage et éventuellement, je sais pas comment ça va finir, mais c'est certain qu'on n'a pas besoin de ça parce que c'est tout à fait négatif. C'est nous, ce qu'on veut en boxe olympique, c'est motiver des jeunes. Venez, vous allez vivre une belle expérience. C'est, peut-être vous allez monter dans les systèmes, vous allez voyager. On vend ce genre d'activité-là, alors que là, le monde regarde ça. Puis les parents, à ce moment-là aussi, les jeunes qui sont ben, mettons, agressifs ou ben actifs ou ils veulent dépenser leur énergie. Bon, eux peuvent être intéressants, voyez leurs enfants là. Mais quand tu as de la publicité négative comme il y a là, comme on vient de voir depuis hier, ben là, à ce moment-là, c'est l'effet contraire. Là, tu sais, je veux dire, les parents et les jeunes vont s'orienter ailleurs. Donc, c'est un coup dur, non pas juste pour l'Association canadienne, pour tous les clubs de boxe au Canada, plus particulièrement au Québec, parce que là, ça se passe au Québec dans le sens que le Centre national est ici et le vent est parti pas mal du Québec. Et là, maintenant, c'est au-delà de ça, mais c'est toute la boxe qui mange une maudite volée. Ah ouais. Sincèrement, la boxe, là, elle s'est fait envoyer au tapis, là, avec un marketing négatif comme ça. Effectivement. Donc, j'ai hâte de voir la suite des choses. Puis déjà, la boxe de ce temps-ci, parce que c'est sûr, la boxe olympique et la boxe professionnelle, c'est pas pareil, mais de ce temps-ci, on est dans un petit creux de vague, là, donc c'est peut-être important. Bernard, il y a eu... Évidemment, la mort de Guy Lafleur, Mike Bossy, a fait en sorte qu'on a passé sous silence. C'est pas tout le monde qui le connaît, mais moi, je trouve ça important d'en parler. Bob Miller qui est décédé. Ben, c'est sûr que les gens savent c'est qui Bob Miller. C'est un soigneur. Et moi, je me rappelle de lui comment Léonard Dorin contre Raoul Balbi, je sais pas si tu t'en rappelles de ce combat-là. Comment j'étais là. Bob Miller, comment il avait été important dans ce combat-là. Dorin était ensanglanté. Ben oui. Bob Miller, dans le coin, avait fait un job incroyable. C'est fascinant, là, de la carrière de Bob Miller. C'est sûr, je l'ai pas connu autre que ça, là, mais il était incroyable. Ouais, puis c'est un grand personnage, Bob Miller. Il était impliqué à peu près à tous les niveaux, au niveau de la boxe. Ouais. Il a été le promoteur. Il a même été le premier promoteur de Mike Tyson, lui-là. Le premier combat de Tyson en Albanie, dans l'État de New York, c'est lui qui était le promoteur. Il s'est impliqué dans la carrière de boxeurs quand même qui ont performé des Kevin Pompey, des Tony Marshall. Et il a même travaillé dans le coin de Tyson Fury à ses débuts chez les professionnels quand il était venu boxer ici au Canada contre Zach Page. C'était lui qui était le soigneur. Puis nous, bien entendu, Yvon Michel est devenu ami avec lui au départ avec les Papervan. Puis on est tous devenus amis avec lui au fil des années. Il a travaillé avec nos grands champions du monde, Lucian Bouté, Eric Lucas, Dennis Stevenson. Ouais. Comme tu l'as dit, Léonard Dorin et bien d'autres, là, j'en oublie. Mais pour nous, c'était tout à fait normal quand Bob Miller, quand il y avait un galop de boxe, on voyait toujours Bob Miller. Il était toujours occupé avec 1, 2, 3 boxeurs dans la soirée. Malheureusement, il y a quelques années, il y avait eu, après un vacant de boxe, il était très tard, il était fatigué. Il y a eu un accident là, majeur qui l'a rendu dans une chaise roulante là, et puis avec une vie pas facile et ça avait fait de la peine à tout le monde là, on le sait, comme Jacques Demers. C'est un peu comme Jacques Demers. Ouais, un peu. Et il était venu à un des derniers combats de Dennis Stevenson. C'est la dernière fois que personnellement je l'avais vu et j'avais vu qu'il était très affecté là, physiquement là, c'était plus le même gars. Et bien entendu, en plus, il y a deux de ces gars qui ont fait de la boxe professionnelle. Donc, ce gars-là, là, vivait de ça. Je me rappelle d'être allé à son camp d'entraînement peut-être quelques fois à Albany, dans l'État de New York, c'était dans le bois, là. T'étais un bout de temps, là, tu roulais, à un moment donné, il y avait un camp à l'extérieur. Autrement dit, le boxeur qui était là pour son camp d'entraînement, Il sortait pas le soir pour aller prendre une bière. Tu sais, je veux dire, il était pogné là en tabarnouche. OK. Puis j'ai même couché là, moi, là. Là c'était, on avait vraiment un camp là, d'entraînement. Là. T'étais là pour ça, puis c'était à la journée longue et à la semaine longue, tu étais concentré là-dessus avec les possibilités de vidéos qu'on regardait pour voir les analyses et en tout cas beaucoup de chambres là-dedans, c'était quand même assez grand. Mais c'était pas. Je peux pas dire que c'était très super équipé dans le sens que c'était à la dure, là. Quand okay. t'étais là, on n'était pas dans le high-tech, là. On était vraiment là, t'es là, puis tu sortais de là, là, t'étais comme Rocky dans le bois. OK. Mais tu te rappelles-tu de ce combat-là que je te parle? C'était incroyable. C'est la job qu'il avait faite, là. Dorin était ensanglanté. Dorin n'aurait jamais continué si Bob Miller n'aurait pas été là. Sans aucun doute, mais. Ouais. Il y avait un petit côté magicien, là, ouais. Bob Miller. Il était capable, là. Écoute, on avait besoin de 3 minutes, là, d'un round à l'autre. Ouais, on claquait des dents, on avait toujours peur. Finalement, il renvoyait Dorin, puis Dorin avait l'air frais comme une pause. Ça repartait à ouais. Mais, tu sais, quand même, il faisait son travail, puis effectivement, Dorin, il en doit beaucoup. Comme nous, on y en doit beaucoup aussi. Ouais, ouais, parce ouais. qu'on était tous à l'époque en arrière de Dorin, on était tous chez ouais. Interbox et Mont-Michel, moi et d'autres. Là. OK. Bon, il me reste deux sujets que je veux parler. Arthur Bataviev contre Joe Smith, c'est une bonne nouvelle, mais moi, la question que je me pose, il n'était pas dépouillé de son titre, Arthur Bataviev, quand l'histoire des Russes est arrivée, puis ainsi de suite, là, en Ukraine. Ça n'a pas tenu la route. Là, OK, ben non, ça n'avait pas de bon sens. Là. Non, ben, tu sais, les boxeurs, tout comme Ovechkin et d'autres, ouais. dans la Ligue nationale de hockey, ce sont des individus. Ils ne représentent pas nécessairement la Russie. Ils se représentent eux-mêmes, là, tu sais, dans le sens que ça a pas duré longtemps, puis tout a été replacé assez rapidement. Et bon, c'est sûr que Bataviev, ça aurait été une catastrophe, mais là, un combat avec Joe Smith, on peut pas demander mieux, là, ouais. de par le style. Tu sais, s'il y a un combat, c'est si tu dis des fois, « Ah, il y a un combat de championnat, je devrais-tu regarder ça, je devrais-tu l'acheter, je devrais-tu voir quelque part, ah, je suis pas sûr, ça va-tu être bon, on n'est pas sûr. » Ça, t'es sûr, à 100%. T'es 100% ouais. sûr que ça va être bon. Ça va pas manquer, là. Smith, c'est pas un fin styliste, là. Lui, il s'en va vers en avant. Puis Bataviev va l'attendre à Kubrick pour un final. Fait que ça va brasser, là, mon ami. Là, ça va sûrement être un des meilleurs combats de l'année. Le contraire me surprendrait. Deux gars super forts physiquement, deux bons cogneurs et deux gars qui aiment brasser. Ils vont pas avoir, eux autres, là, à se courir à gauche et à droite. Là. Il va avoir... Je te dis, là, la bataille, là, on va être quasiment dans une cabine téléphonique à certains moments. Ah, ça va être incroyable. En terminant, il y a un gros combat de boxe en fin de semaine qui va être présenté Oui, bien à Canelo Alvarez, ouais. qui est la méga star de la boxe professionnelle depuis des années, qui va se battre contre Dimitri Bivol, les mi-lourds. Et Bivol, lui, est champion du monde depuis 2017. Mm. Donc, c'est un champion du monde qui est bien installé. Donc, ça donne une idée du genre déjà de confrontation là qui va être extraordinaire. Là. On peut pas demander mieux. Là. Ça va être super et j'ai bien hâte de voir ça. Un autre combat qui est comme un petit peu intriguant. Ce combat-là, il est intriguant dans le sens que Bivol est capable, lui, de s'en aller tout partout, de prendre tout l'espace qu'il y a sur le ring. Il y a un bon jeu de pied, c'est un styliste. Il est capable de en tout cas, à tout le moins, il va tenter de garder le bulldozer qui est Canelo Alvarez à distance. Donc, ça va être une confrontation de style où Alvarez, lui, va vouloir être dans la face de Bivol tout le temps, alors que Bivol, lui, va vouloir être partout sauf dans sa face, donc travailler en angle. Et celui qui va réussir à imposer son style devrait gagner ce combat-là. Mais je veux dire, c'est pas... tu sais, Canelo Alvarez, là, avec sa ronflante fiche, là, de 60 à 57 victoires, une défaite, deux combats nuls, ben là, il est pas sûr de son coup, là, parce que, premièrement, Alvarez, ça a monté des poids moyens, ça a monté des super mi-moyens, au poids moyen, au super moyen, au milo. Mais tu sais, à un moment donné, là, tu pognes ton homme, là. Tu pognes ton homme. Fait que c'est un combat qui est bien intriguant. Ah, effectivement. J'ai bien hâte de voir ça en fin de semaine. Est-ce que ça peut être on peut faire un combat revanche ou on peut même aller d'une trilogie? Tu veux dire avec. Ouais, les avec Bivol et Alvarez, penses-tu que ça peut aller loin? Ben, Bivol avec Alvarez, moi, j'ai l'impression que ça va être très partagé. Donc, effectivement, généralement, ce genre de combat-là qui va être suivi partout sur la planète, qui va rapporter des millions, ben, écoute, on va se croiser les doigts, mais c'est à souhaiter que ça soit éventuellement un combat revanche ou pourquoi pas un combat avec Arthur Beterbiev. Oui, effectivement. Donc, Bernard, on se reparle bientôt quand l'actualité de la boxe va l'exiger. Salut, mon ami. Notre ami Bernard Barré qui nous parlait de boxe.